Il faut, avec quelques pas d'élan, prendre une impulsion sur le trampoline pour s'envoler verticalement et effectuer une rotation en agrippant ses genoux et en tournant vers l'avant, en rentrant sa tête pour atterrir sur les fesses sur un tapis en hauteur.